PKGU, Radio Pokajou International, commence sa diffusion à partir de ce moment. Soyez les bienvenus. La radio Pokajou International, pour ceux qui nous entendent pour la première fois, est un effort du ministère des Affaires étrangères de Pokajou pour la diffusion de la culture de notre pays. Je suis Mélissa Suarez El Real, soyez les bienvenus à la radio Pokajou International. Le morceau que vous venez d'écouter s'appelle Song of Abayi. On a voulu commencer notre émission avec, parce que traditionnellement, il a été appris à tous les ambassadeurs du Pokajou qui partaient travailler ailleurs. Emaoi Tsege, la musicienne qui le joue et qui l'a composé, avait découvert le piano en Suisse dans les années 30 et avait réussi à obtenir une bourse pour étudier à Londres. Mais malheureusement, à cette époque-là, les femmes éthiopiennes n'étaient pas censées étudier ou jouer, alors l'empereur éthiopien lui-même a défendu Emaoi d'y aller. Finalement, elle a échappé à Addis Abeba et a décidé de devenir religieuse. Elle continue à vivre et jouer à Jérusalem. Sa musique a pu être enregistrée jusqu'à 1967 et depuis les années 80, les revenus de sa musique servent à apprendre la musique aux enfants africains. Sa Majesté, le Maharaja de Pokajou, a choisi ce morceau comme une espèce d'hymne diplomatique, espérant que l'histoire de cette musique qui finalement réussit à se faire jouer en dépit de tous les empêchements bureaucratiques et politiques soit bien appréciée dans les pays où les ambassadeurs pokajoutiens arrivent. Aujourd'hui, on a choisi de commencer avec ce morceau parce qu'il s'agit d'une émission très spéciale, Pour la première fois depuis 5 ans, la PKGU reprend sa diffusion en Europe, suite à la crise diplomatique de 2009. On va tout expliquer dans les prochaines minutes, mais pendant que ça arrive, on va vous laisser avec les Espagnols de Pony Bravo. Yo soy el político neoliberal. Me gusta ir a las fiestas del Banco Central. Vuela la cocaína por los despachos del capital. Vóteme, porque mi rumba está buena. Vóteme, porque mi rumba está buena. International est diffusé à Toulouse à travers de Radio Campus 94 FM. On vient d'écouter les Espagnols de Pony Bravo avec El Político Neoliberal, le politicien néolibéral. Aujourd'hui, on fête la fin d'une large saison, sa relation diplomatique entre la France et le Pocajou. Finalement, après 5 ans d'efforts politiques, la France et le Pocajou sont de nouveau proches. Et la diffusion de Radio Pocajou est un symbole de cette amitié. Mais plusieurs d'entre vous se demandent peut-être pourquoi toute cette crise a commencé. Et bien sûr, la raison par laquelle on vient de jouer Pony Bravo. Bon, ça fait 5 ans, Monsieur Rocopan Kanchak a quitté le Pocajou en cachette, vers la France, où il a finalement été libéré. C'était bien sûr comme un geste humanitaire, même quand il était recherché par la police pocajoutienne par ses actes de terrorisme auditif. 3 mois avant, il avait réussi à modifier les enceintes de le mixage pendant un concert pour mettre du reggaeton à un volume si haut qu'il a rendu sourde plus de 3000 personnes. Monsieur Kanchaka avait aussi revendiqué l'attentat comme un acte pour l'indépendance des Dominicains à Pocahontas. Mais ce qui a vexé le plus l'ambassadeur pocahontien en France, c'était le fait que Rocopin s'est présenté à soi-même comme un artiste sonore et il avait même été offert une bourse du ministère de Culture française pour développer une pièce d'art sonore et la montrer à Paris. La diplomatie pocahontienne a considéré ce geste comme un outrage, mais aussi comme un danger imminent. Et a finalement rompu les relations diplomatiques avec la France, l'émission de Radio Pocahontas y comprise. Certains pays ont supporté le Pocahontas et d'autres ont supporté la France. Parmi les groupes qui ont supporté le Pocahontas se trouvait Pony Bravo. Il s'accusait au gouvernement français de faire d'un terroriste une figure médiatique seulement pour des raisons électorales. C'était à cause de ça qu'ils ont fait El Politico Neoliberal. Une chanson avec des mots qui ironisaient sur un politicien qui demande des votes parce qu'il joue une rumba très bonne. Et voilà, ce morceau est dans leur disque de Palmas y Caceria, disponible sur leur site internet elrancho.com, gratuitement grâce au Creative Commons, une façon flexible de partager l'information. Et c'est exactement ça qu'on a fait avec la bamba, cette chanson traditionnelle mexicaine que l'on va écouter plus tard, mais dans la version rebelle des Las Cafeteras, un groupe de Los Angeles qui se sont aussi manifestés pour la fin de la crise diplomatique. Cette crise leur avait empêché d'aller jouer à Pocahontas pour le simple fait d'avoir un vol provenant de la France. Las Cafeteras ont pris la lettre de cette chanson traditionnelle mexicaine qui normalement se chante toujours avec des mots différents et ont fait une déclaration contre les frontières. L'aide de Las Cafeteras ainsi que le support de nombreuses associations ont finalement réussi à changer la politique du ministre des Affaires étrangères et il a démissionné ça fait 3 mois. C'est pour ça qu'aujourd'hui on fête la rentrée de la radio Pocahontas internationale dans l'espace radiophonique français, ainsi que la reprise de contacts diplomatiques entre nos pays. On va vous laisser justement avec Las Cafeteras et leur bamba rebelde. Je suis Melissa Suarez del Real et vous avez entendu aujourd'hui la radio Pocahontas internationale. À bientôt. Sa diffusion pour aujourd'hui. Vous pouvez entendre la rediffusion le mardi à 10h. À la prochaine !